je crois que c'est un... Quand on dit justement de réagir à tout ça, il y a toujours les identités qui arrivent, mais moi je veux enlever ce côté d'identité, je dis c'est vraiment une bagarre entre deux visions de l'existence et que c'est à chacun de regarder en soi et en sa propre conscience et de comprendre, parce que je vois beaucoup de débats nauséabonds, où est-ce qu'on se situe. Et si on se situe pas du bon côté, ben c'est dangereux pour l'humanité en général. Et ça me fait peur. Voilà, c'est vrai que ça me fait peur. Le réalisateur Olivier Nakache, qui est le frère de l'actrice Géraldine Nakache. Dans le rétro d'Éric Toledano et Olivier Nakache cette semaine sur France Bleu Belfort Montbéliard, vous pourrez écouter l'intégralité de l'interview de Déborah Grunewald samedi et dimanche de 14h à 15h. Bel après-midi sur France Bleu Belfort Montbéliard. Can't Stop Loving You avec Phil Collins. Et puis on va retrouver Karine Duché pour les journées de la réparation. Loving You, Phil Collins sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Samedi à Giromagny, mais aussi à Valentinier, Luxeuil-les-Bains et Andelnans vont se tenir les journées de la réparation. L'occasion de revenir sur le label Réparacteur, mis en place par les chambres de métiers et de l'artisanat. Karine Duché, vous êtes avec David Ritten. Effectivement, vous savez que réparer c'est mieux que de racheter tout neuf, parce que comme ça on limite la production de déchets. C'est pourquoi j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans C'est ma nature ces journées nationales de la réparation avec David Ritten, qui est conseiller d'entreprise à la Chambre de métiers de l'artisanat région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour David. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette journée de réparation et pourquoi la Chambre de métiers de l'artisanat région Bourgogne-Franche-Comté a voulu y participer et s'associer à cette journée nationale? Parce que simplement, l'artisanat et la réparation, ça va de pair. Les artisans, je dirais, ont pas attendu des journées nationales de la réparation pour réparer. Les artisans sont des gens qui sont très très ouverts et qui pratiquent, je dirais, la réparation depuis toujours. Est-ce que vous diriez, David, que dans notre région, hein, on est plutôt bien lotis en ce qui concerne les possibilités de réparer plutôt que de jeter? Nous, si vous voulez, en chambre de métier, on a créé ce label réparateur qui permet effectivement de faire une visite et puis d'avoir des entreprises qualifiées sur la partie réparation. Mais effectivement, si en termes purement d'entreprise, rien que uniquement sur le label réparateur, on a plus de 500 entreprises qui sont labellisées. Et évidemment, toutes les entreprises ne sont pas labellisées. Donc, il y a aussi un fort potentiel évidemment de réparation, qu'on parle de bijoutier, qu'on parle d'horloger, qu'on parle d'électroménager, qu'on parle de vélo, de couture, etc. Tout ça sont des métiers artisanaux qui pratiquent depuis toujours la réparation. Si on va sur le site de la Chambre de métiers de l'artisanat région Bourgogne-Franche-Comté, on peut trouver les entreprises qui sont donc labellisées Répar Acteur. Oui, il faut aller sur artisanat-bfc/réparacteur. Le label réparacteur, c'est un label qui est en train d'évoluer et nous, en chambre de métier de Bourgogne-Franche-Comté, on est vraiment sur le sujet pour le coup au niveau national et en fait, il est en train d'évoluer de manière nationale. C'est-à-dire que le label réparacteur va être décliné on espère en tout début d'année de la même façon sur toutes les chambres de métiers de France. Donc on est en train de structurer ce réseau qui est vraiment important et qui représente vraiment un potentiel et surtout une visibilité pour le grand public. Et après, on fait une recherche localement. Avec un petit bouton, géolocalisez-moi, et c'est parti. Le déchet le plus facile à recycler, c'est celui que l'on ne produit pas. Et quand on répare, eh ben, c'est beaucoup mieux que d'acheter. À bientôt, David. À bientôt, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup Karine Duché. Pour retrouver le programme de ces journées nationales de la réparation, vous avez rendez-vous sur francebleu.fr Belfort-Montbéliard ou l'application ici par France Bleu et France 3. C'est la rubrique C'est ma nature. Et puis si vous voulez vous exprimer sur ce sujet de la réparation, vous avez rendez-vous ce vendredi entre 9h et 9h30 dans À votre service avec Emmanuel Sabatier et Jean Sureda sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Vous allez pouvoir expliquer pourquoi vous réparez ou vous faites réparer plutôt que de racheter des objet neuf. Je partirai, c'est Oshi sur France Bleu Belfort-Montbéliard et on va continuer à parler justement de réparation ou plutôt maintenir en bon état un ordinateur. Fanny Malek va venir vous donner des conseils. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête. Quand les étoiles seront ternes pour rester éternelle. Je partirai dans vos bras et surtout gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. We'll be right back.

9 à Audincourt, il commence à y avoir du monde, et puis sur la rue des Graviers à Valentigné. Sinon, sur la 36, la circulation est fluide. Restez prudents, hein, parce qu'il pleut en ce moment et ces pluies, elles vont se généraliser cet après-midi. Il va pleuvoir aussi une bonne partie de la nuit. Pour les températures, il fait 15 degrés à Fèche-l'Église, Belfort, Semondant, Héricourt et Lerre, et on a 12 degrés sur le relief. Demain, le ciel sera très nuageux, avec des averses dans un premier temps le matin et dans l'après-midi. Les averses vont prendre un caractère orageux. Les températures, elles seront plus douces du coup avec l'arrivée de la pluie. Demain matin, on aura entre 9 et 11 degrés et en journée, de 13 à 17. Alors, après la radio Bluetooth France Bleu Belfort Montbéliard, on vous offre la radio MP3. Alors, c'est une radio numérique et c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de technologie. Vous pouvez brancher un casque aussi hein, pour l'écouter en toute discrétion dans le bus ou dans la rue, par exemple. Elle se recharge sur votre ordinateur en USB, pas besoin de pile, ça c'est écolo. Et puis, il y a la possibilité également d'insérer une carte SD, hein, c'est comme une carte SIM d'un téléphone. Et sur cette carte, vous enregistrez vos programmes préférés, vous les réécoutez quand vous voulez. Question maintenant au 03 84 22 82 82. Vous nous dites comment s'appelle l'émission qui vous donne la parole sur France Bleu Belfort Montbéliard entre 9h et 9h30. Je dis bien entre 9h et 9h30 avec Jean Sureda et Emmanuel Sabatier. Est-ce que c'est à votre service ou à votre santé ? À votre service ou à votre santé, vous donnez votre bonne réponse à Vanessa 03 84 22 82 82 et vous repartez avec la radio MP3. Bonne chance. Money is too tight to mention, c'est Simply Red sur France Bleu Belfort Montbéliard. Pendant que vous jouez avec nous au standard, bonne chance à vous et bel après-midi. Some song look like Red sur France Bleu, Belfort Montbéliard. Money is too tight to mention. Au 03 84 22 82 82, nous sommes avec Fernand qui est à Montbéliard. Bonjour Fernand. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça a l'air de bien aller, vous avez le sourire. Oui, oui, ça va, c'est le temps qui se gâte un peu, mais oui. Bon, enfin, il faut quand même la pluie, c'est bien qu'elle arrive. Quoi. On l'attendait. Oui, effectivement, et puis justement, hein, quand il pleut et quand il fait gris, il vaut mieux garder le sourire, hein, sinon ça se passe pas très bien. Tout à fait. Allez, on joue ensemble pour la radio MP3 sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Dites-nous, Fernand, comment s'appelle l'émission qui vous donne la parole entre 9h et 9h30 sur France Bleu, Belfort, Montbéliard avec Jean Sureda et Emmanuel Sabatier. Service. Oui, à votre service, votre effectivement. Service, à votre service, cherchez ce qu'il y avait juste avant. Bravo Fernand, vous repartez avec la radio MP3. C'est une radio numérique, c'est ce qui se fait de mieux hein, en matière de technologie. Vous allez pouvoir écouter France Bleu Belfort Montbéliard avec un casque par exemple dans la rue, dans les transports en commun, enfin quand vous voulez, mais surtout le plus souvent possible. On est d'accord. De toute façon, je vous écoute le matin, Stéphane Vaux là au jeu à 11h, voilà. Et puis l'après-midi, j'aime bien vous avoir aussi. Voilà, bah, c'est gentil. Dès que je peux, je mets Radio Belfort. Merci beaucoup, Fernand, pour votre fidélité. Et puis, on se dit à très vite, alors. Oui, et puis bonne fin de journée à vous. Et puis, bonjour à toute l'équipe. Merci. Le message est passé. Au revoir, Fernand. Au revoir. Serendipia sur France Bleu Belfort Montbéliard, c'est Zaz et Léo Rizzi, on va parler un petit peu espagnol. Et puis on va aller faire du sport dans un instant avec l'association sportive de l'hôpital Nord-Franche-Comté, une association qui s'est créée il y a environ un an et demi. Et c'est Nicolas Barbier qui va venir nous parler de cette création. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des coups, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Serendipia sur France Bleu Belfort Montbéliard, c'est Zaz et Léo Rizzi, nos fiertés locales dans un instant avec Nicolas Barbier qui va venir nous présenter l'association sportive de l'hôpital Nord-Franche-Comté. ce n'est pas toujours facile de bien ranger. Prenez par exemple les vêtements, ou nos placards, les papiers administratifs ou tout simplement le réfrigérateur. C'est tout un art le rangement du frigo. Alors pour vous venir en aide, France Bleu fait appel à une coach experte en rangement, Stéphanie Rabourdin, à votre service pour répondre à toutes vos questions en matière de tri, rangement et organisation. Rendez-vous ce jeudi entre 9h30 et 10h sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Vous aimez le goût de l'authenticité ? Jusqu'au 15 novembre, chez votre artisan boulanger Maison Levain et Banette, 3 baguettes achetées, la quatrième est offerte. Profitez-en pour découvrir notre large gamme de pains, nos viennoiseries faites maison et notre offre snacking. Rendez-vous chez votre artisan boulanger Banette à Héricourt, 4 rue du Four et 8 Faubourg de Belfort. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Le 16-19 sur France Bleu Belfort-Montbéliard, Alexandra Mène. Il y a environ un an et demi, s'est créée l'association sportive de l'hôpital Nord-Franche-Comté. Et nous sommes avec le président aujourd'hui dans nos fiertés locales, Nicolas Barbier. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra. Alors, on vous connaît avec d'autres casquettes. Vous êtes psychologue, vous êtes tabacologue. Et d'ailleurs, on peut vous voir en consultation à l'hôpital, hein, c'est pas un hasard. Toujours. Hein, voilà, ça on est d'accord. Et donc, c'est monté grâce à vous et puis j'imagine d'autres personnes de l'hôpital, oui, bien sûr, cette association. Absolument, oui, je suis pas le seul. Hein. Je dirais que c'est notre directeur qui a insufflé, hein, cette association. Il y a donc à peu près deux ans maintenant, et l'association donc est officiellement créée depuis un an et demi, comme vous l'avez bien dit. Et ensuite, on va dire, il y a deux chevilles ouvrières, Martin et moi-même, qui sommes deux sportifs, on va dire très pratiquants et avec déjà pas mal d'expérience. Et on s'est dit, dans le cas de la préparation du Lyon, hein, donc c'était il y a deux ans, enfin à peu près, on s'est dit, tiens, si on n'encadrait pas de façon un peu plus formelle toutes celles ou ceux qui veulent courir le Lyon, quelle que soit la distance, quel que soit le niveau, de façon formelle, en créant en fait cette association. Donc on a monté une première section, donc qui est une section ouverte à tous les agents de l'hôpital Franche-Comté et du Chénois, aux agents actifs et retraités, et une section en fait de course à pied qui aujourd'hui fonctionne très très bien. Donc ça, c'était le point de départ. C'était le point de départ, et puis c'était aussi après le Covid, une façon de vous retrouver, entre personnel soignant, on le sait, vous avez souffert, et vous aviez besoin de vous retrouver dans un autre domaine. Ah oui, bien sûr, les liens avaient été complètement distendus, hein, pendant le Covid, les masques, les tenues, la mise à distance, en fait, beaucoup de convivialité s'est vraiment envolée entre nous, et donc on avait vraiment ça nous tenait à cœur de remettre de la cohésion, de la pluridisciplinarité, surtout d'arriver à nous retrouver tout simplement autour d'un bon moment de sport, de partage, sans prétention, mais juste se retrouver. Voilà. Oui, et puis vous parlez de cohésion, de pluridisciplinarité. Je ne vais pas y arriver, c'est voilà, pas grave. C'est pas grave. Mais effectivement, c'est important aussi que tous les métiers se retrouvent. Oui, c'est vrai. Par exemple, le groupe d'entraînement du mardi soir et du jeudi soir, c'est un groupe qui est vraiment très, on va dire, hétérogène, puisqu'on a dans ce groupe toutes les catégories professionnelles qui sont représentées. Hein. On a des chirurgiens, on a évidemment des médecins, on a des soignants, infirmières et soignantes, on a des techniciens, on a des gens de laboratoire, on a... J'en oublie. Et peut-être des personnes qui ne se sont jamais croisées. Ah ben, qui se sont même jamais croisées, voilà, du tout. C'est ça. Et en fait, ça a permis au moins déjà de nous connecter et de pouvoir surtout après mieux travailler ensemble. Parce que finalement, certains d'entre nous, du coup, grâce au sport, on réussit à mieux se connecter autour des patients, autour d'une prise en charge. Ah oui, je me souviens, tiens, oui, il y a lui, elle, qui est dans tel service, qui pourrait permettre à ce patient d'être mieux pris en charge. C'est un peu comme ça que les choses aussi se dessinent dans cette association. Oui, et puis aussi de faire se rencontrer un personnel qui avant était séparé, hein, Belfort-Montbéliard. Tout le monde s'est retrouvé d'un coup ensemble. Je pense que le personnel n'a pas vraiment eu le temps de faire connaissance. Ah oui, complètement, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein, on est quelques milliers à travailler à l'hôpital, évidemment tout le monde ne se connaît pas encore, mmh. Et cette association a aussi pour objectif de nous découvrir, de nous redécouvrir, et puis de pouvoir peut-être aussi arriver à trouver encore une meilleure formule entre les Belfortins, les Montbéliards.

facilité les entraînements, on a créé des moments de convivialité aussi pour que le groupe de football, falleuses et footballeurs arrive un petit peu à mieux se connaître, hein. C'est important, la convivialité dans le milieu du sport. Et puis ils sont partis à Toulouse. Et puis, on va dire pas contre toute attente, parce qu'il y avait comme de la rivalité, il y avait des grands clubs, il y avait Marseille qui était là, il y avait Lyon, les équipes de Lyon, de Marseille, etc., de Toulouse. Et il a, donc l'hôpital HMC a gardé le tournoi des soignants, donc ils l'ont gagné avec succès, et donc avec une coupe qui a été remise d'ailleurs par les mains de Fabien Barthès quand même, donc quand c'est pas rien. Ah quand ouais, même, hein. Classe, voilà, ouais, donc très bien. On est plutôt fiers en tout cas de cette expérience. Bon, bah, ce sera l'occasion, je pense aussi, de faire des rencontres avec des sportifs de la région et d'un peu plus loin. Je pense que les projets doivent un peu fuser, hein, au sein de l'association. Vous êtes pour le moment une petite centaine d'adhérents. C'est ça, voilà. Avec, on essaye actuellement de dynamiser un peu le bureau, parce qu'il y a un bureau, hein, qui est constitué bien sûr d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un président, mais il nous faut des volontaires, il nous faut des personnes de l'hôpital qui s'engagent aussi pour faire vivre cette association. On a beaucoup de projets, en particulier un projet qui pourrait paraître un petit peu comme ça saugrenu, mais un projet qui consisterait à organiser une course à pied qui passerait par l'hôpital, qui se tiendrait autour de l'hôpital, voilà. Donc ça, il y a de quoi faire avec les couloirs. Il y a de quoi faire entre les couloirs, entre les escaliers, dans les parkings, les sous-sols. Il y a quand même beaucoup de végétation autour de l'hôpital. Il y a moyen de passer un peu dans les bois, etc., ouais. D'utiliser des parcours. Donc voilà, on va certainement travailler, œuvrer pour monter cette course qui aura lieu, je pense, au printemps de l'année prochaine. Bon, on en reparlera sur France Bleu Belfort Montbéliard. Et puis on termine avec le yoga, oui, et le pilates. Alors ça, c'est vraiment deux sections qui fonctionnent particulièrement bien, qui sont très importantes à nos yeux, parce que ce sont deux sections qui permettent vraiment à tous les agents, alors bien sûr de se retrouver, mais surtout de se tranquilliser après une journée de travail, d'arriver à trouver d'autres moyens de se détendre, d'évacuer les tensions, et ça de façon naturelle, hein, sans médication, sans rien. Et c'est quand même très précieux. En plus, on a deux coachs qui sont vraiment très pros, qui accompagnent ces groupes. Donc c'est quand même une chance de pouvoir avoir ces vrais moments de pause et de ressources à travers une activité hospitalière qui est quand même très intense, comme vous le savez. Oui, et puis alors les associations sportives, parce que là effectivement c'est une nouveauté pour l'hôpital Nord-Franche-Comté, mais il y en a dans les hôpitaux en France, en règle générale, c'est quelque chose qui se fait ? Alors c'est quelque chose qui existe évidemment ailleurs. Après, je suis pas forcément sûr que tous les hôpitaux possèdent une association sportive, mais ça se fait par ailleurs. Après, je pense que le plus difficile, encore une fois, c'est de faire vivre l'association. Donc ça va être l'enjeu principal pour nous. C'est d'arriver, de durer, de développer, d'amener des projets, et puis d'avoir aussi un peu d'argent pour pouvoir faire vivre cette association aussi, bien entendu. Hein. Bon, voilà. Alors avis à tous les soignants de l'hôpital Nord-Franche-Comté qui écoutent France Bleu Belfort Montbéliard et qui auraient envie de vous rejoindre. Donc vous êtes le président Nicolas Barbier, et puis il y a toute une équipe également avec vous. On pense à Martin qui fait la course à pied. Et Benjamin aussi, hein, qui court avec nous et qui est le trésorier de l'association. Voilà, donc c'est important aussi, qui est très rigoureux. Ça, c'est une bonne chose aussi. Hein. Eh bien, bravo à vous, bravo à l'hôpital Nord-Franche-Comté. On était fiers aujourd'hui de parler de cette nouvelle association sportive. Merci beaucoup, Alexandra. Et on en parlera, j'en suis sûre. Avec grand plaisir. À bientôt, Nicolas Barbier. Merci. Bonne journée. Joseph Kamel en nouveauté sur France Bleu Belfort Montbéliard. C'est celui qui part. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrais ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux. Mais tu cherches un endroit, je le garderai là pour toi. Je serai partout où tu veux. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi. Je veux le voir. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir. Je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Joseph Kamel en nouveauté sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, celui qui part. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Belfort-Montbéliard. Bon début de soirée, il est 17h. Bonsoir Corentin Bémol. Bonsoir Alexandra. Et d'abord la météo avec de la pluie ce soir. Oui, de la pluie effectivement, et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Il y aura des averses encore tout au long de la nuit. Les prévisions Météo France, juste après vos infos. À Belfort, la SPA ne va pas bien. La Société de protection des animaux de Belfort est au bord du dépôt de bilan. En cause, l'inflation, des coûts toujours plus importants. Ajoutez à ça une baisse significative des dons. Aujourd'hui, il manque 100 000 euros à l'association pour boucler son budget. Elle estime que si rien n'est fait, son espérance de vie est d'un an et demi. Toutes les infos sont sur notre site francebleu.fr. 2 ans de prison, dont un an ferme pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort aujourd'hui. Un quinquagénaire habitant à Anjouté entretenait une correspondance en ligne avec une mineure de 14 ans. Des échanges à caractère sexuel. Il écope de 24 mois de prison, dont 12 avec sursis probatoire. Deux patientes de l'hôpital Nord-Franche-Comté retrouvées avec des traces de sang. Ça s'est passé le 8 octobre dernier. La plus âgée, 99 ans, a été retrouvée couchée dans une mare de sang. Hospitalisée une semaine plus tôt aux urgences, puis en cardiologie le jour suivant avec une autre dame au comportement de démence. C'est le personnel infirmier qui a découvert cette scène dans la nuit du 8 octobre. Une plainte contre X a été déposée et une enquête a été ouverte par les gendarmes du territoire belfortin. 24 Français morts, 7 toujours portés disparus. Nouveau bilan de l'attaque du Hamas la semaine dernière en Israël. Elisabeth Borne l'a dévoilé tout à l'heure au Sénat. Plusieurs Français sont probablement encore retenus en otage à Gaza, ajoute la Première Ministre. En France, les aéroports de plusieurs grandes villes, dont Nantes, Bordeaux ou encore Strasbourg, ont été évacués en fin de matinée et dans l'après-midi, après avoir reçu des lettres de menaces. Une réunion publique ce soir à 18h au siège de l'agglomération du pays Montbéliard. Réunion autour du radon, ce gaz naturel radioactif présent dans le sol et dans les roches qui se diffusent dans l'air. Enfin, en Coupe de France, le FC Sochaux Montbéliard affrontera-t-il des compatriotes nord-franc-comtois? Tirage au sort dans un peu plus d'une heure pour ce 6e tour de Coupe de France. Sur les 17 adversaires possibles, Grand-Villard et Bavilliers, la rencontre est prévue dans 10 jours. D'ici là, les jaunes et bleus affrontent vendredi Villefranche en National. La météo 100% locale avec Badoz, fromage et cocoyote de Franche-Comté, à découvrir sur fromagerie-badoz.com et sur les réseaux sociaux. Et donc une soirée sous la pluie. Oui, effectivement, on a eu quelques gouttes de pluie en début d'après-midi, beaucoup de nuages, et là ça y est, on a des averses, les pluies vont se généraliser, il va pleuvoir d'ailleurs une bonne partie de la nuit, on voit beaucoup de personnes avec des parapluies en ce moment, il fait 15 degrés et 12 degrés au ballon d'Alsace, le ciel sera très nuageux encore demain matin, avec des averses, et dans l'après-midi, ces averses vont prendre un caractère orageux, les températures seront plus douces avec l'arrivée de la pluie, demain matin on aura entre 9 et 11 degrés, il fera 17 degrés à Seloncourt, Montbéliard, Vétrigne, Belfort et Belverne et 13 degrés au meilleur moment de la journée au ballon d'Alsace. Corentin Bémol, merci à vous. On vous retrouve à 18h. Tout à fait, à tout à l'heure. L'infotrafic 100% local avec Moss, fabricant et installateur de portes de garage sur mesure. Showroom Moss à Bergholzell, près de Guebwiller et sur moss.fr. On fait la route ensemble sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Il y a du monde dans le secteur du péage de Fontaine sur la 36, mais à cette heure-ci, c'est plutôt normal. Maintenant, s'il y a une difficulté particulière, on vous tiendra au courant. D'ailleurs, vous nous tenez au courant aussi, hein, vous qui êtes sur les routes, 03 84 22 82 82. C'est chargé en ce moment aussi dans le pays de Montbéliard sur la bretelle, la D61 de Brognard à Étupes. C'est au niveau du rond-point, hein, pour accéder à l'A36, restez vigilants. Et puis à Sochaux également, de la circulation avenue du Général Leclerc, à Audincourt, toujours sur l'avenue de la Révolution 1789. Vous êtes nombreux aussi sur la rue des Graviers à Valentinier, et puis à Valentinier sur la rue Étienne Eumichen. 03 84 22 82 82, on fait la route ensemble. Le 16-19, France Bleu, Belfort, Montbéliard se poursuit. Bonne soirée. Dans un instant, nous allons accueillir l'artiste Marie-Flore qui sera en concert à la Poudrière de Belfort ce vendredi. Vous aviez pu l'entendre sur France Bleu, Belfort, Montbéliard en nouveauté avec la chanson Malbarré. On va en écouter un extrait dans quelques instants et puis surtout, on va écouter Marie-Flore. Il y aura France Bleu Collector aussi tout à l'heure avec Nicolas Lespol. On va écouter un souvenir. Allez, je vous donne un indice. Ce sera une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et puis des idées de sortie, c'est aussi votre leitmotiv dans le 16-19 France Bleu Belfort Montbéliard. Je vous rappelle que si vous avez des infos à nous faire parvenir, des manifestations que vous organisez, vous nous écrivez, c'est totalement gratuit, c'est cette adresse mail agenda.belfortmontbéliard@radiofrance.com. Le 16-19 sur France Bleu Belfort Montbéliard, Alexandra Men. Collector sur France Bleu Belfort Montbéliard avec David Bowie, Let's Dance. Bonne soirée. Let's Dance, c'est David Bowie dans le 16-19. Le 16-19 sur France Bleu Belfort Montbéliard, Alexandra Mène. Ce vendredi 20 octobre, à la Poudrière de Belfort, vous pourrez applaudir Marie-Flore, que vous avez pu entendre sur France Bleu Belfort Montbéliard l'année dernière, avec ce titre. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. Bonsoir Marie-Flore. Et bienvenue à vous sur France Bleu Belfort Montbéliard. Merci. Alors, est-ce que je peux vous demander déjà de vous présenter aux auditeurs de France Bleu Belfort Montbéliard? Vous venez de quelle région et comment vous avez débuté la musique? Alors, je m'appelle Marie-Flore, je viens de région parisienne et j'ai débuté la musique il y a assez longtemps, il y a une petite dizaine d'années. Alors, merci déjà de nous avoir fait danser et chanter sur France Bleu avec cet extrait hein, de votre second album « Je sais pas si ça va », un album qui est sorti après ces deux années de crise hein, qu'on a plus ou moins bien vécu. D'ailleurs, je crois que ça vous a inspiré pour votre musique. De quelle façon, Marie-Flore ? Bah, tout à fait, c'est vrai que c'est un disque que j'ai pu écrire, on va dire, un petit peu pendant le confinement et puis en sortie de confinement. Et c'est vrai que j'avais beaucoup envie de retrouver la scène, d'où les sonorités un petit peu dansantes. Mais il y a aussi des chansons, on va dire, beaucoup plus introspectives, puisque, je veux dire, la période de calme nous a un petit peu forcé à cela. Alors, justement, quels sont les thèmes de l'album « Je sais pas si ça va » Bah, on va dire que le thème qui prédomine, c'est plutôt les histoires d'amour, puisque j'aime beaucoup parler de ce thème-là. Et puis ensuite, c'est beaucoup un album aussi qui est pas mal en observation, je dirais. J'ai une chanson qui s'appelle 20 ans, par exemple, qui parle de l'âge qui passe. Et puis sur votre site internet, dans votre biographie qui parle de votre musique, on peut lire que vous êtes allergique aux idolâtries. Qu'est-ce que ça signifie ? Expliquez-nous. Vraiment. Bah, disons que c'est vrai, j'ai grandi assez loin de ça. Ça veut simplement dire que j'ai beaucoup d'admiration, voilà, pour les gens qui m'inspirent, mais que je ne verse jamais non plus dans le côté un petit peu soit copie, soit fan, quoi, voilà. Oui, d'ailleurs, vous avez des goûts musicaux, je crois, très éclectiques. Est-ce qu'on peut les connaître ? Oui, alors c'est vrai que j'ai grandi avec beaucoup de musique classique, beaucoup de musique des années 60 aussi, de folk des années 60. Et puis plus récemment, voilà, je me suis un petit peu éduquée, on va dire, à des choses plus modernes, le rap et des grandes pop stars aussi américaines, type Dua Lipa. Vous dites aussi, il faut de la lumière, il faut de la chair. Si je comprends bien, la scène pour vous c'est important, c'est ce que ça veut dire ? Ouais, je crois que c'est un petit peu, je veux dire, l'aspect être en studio, écrire des chansons, moi, c'est très très important pour moi, mais c'est vrai que se retrouver avec des gens en face, c'est toujours mieux que d'avoir le mur en face de son piano, quoi. Je dirais, c'est là qu'on prend vraiment la mesure de l'impact des chansons, et c'est très important pour moi de rencontrer les gens sur la route, ouais. À quoi ressemble votre tournée, Marie-Flore, sur scène ? Vous pouvez nous donner quelques indications ? Ah bah écoutez, oui, bien que je sois assez mauvaise pour ça, mais je dirais que c'est ça aussi, entre le clair-obscur, c'est souvent de la danse aussi un peu triste, quoi, mais le live est très éclectique, un peu à l'image de l'album, quoi, avec des moments plus intimes et d'autres beaucoup plus explosifs. Alors ça veut dire que vous venez avec une équipe de musiciens, de danseurs, ouais, ça se passe exactement. Comment ouais. Alors, pas de danseur, hein, la danse, c'est moi qui l'assure. Mais okay. en revanche, oui, bien sûr, j'ai un groupe de super musiciens derrière moi. Et puis, moi-même, je fais parfois du piano, de la guitare. Et voilà, on essaye de rendre au plus proche ce qu'on a voulu faire sur le disque. Et puis, avec toujours la petite touche magique qui se passe en live, puisque c'est toujours aussi un petit peu différent, justement. Bon, alors Marie-Flore, on va venir danser avec vous, chanter aussi. Oui. C'est ce vendredi 20 octobre, 20h30, à la Poudrière de Belfort. Et en première partie, il y aura un artiste qui s'appelle Bro. Alors on vous dit à très vite dans le Nord-Franche-Comté, Marie-Flore. Et d'ores et déjà, bienvenue chez nous. Merci Bonne beaucoup. Soirée. Bonne soirée.

tu m'aimes encore, Céline Dion, sur France Bleu, Belfort Montbéliard, chanson signée Jean-Jacques Goldman. Merci à Nicolas Lespol pour ce souvenir dans France Bleu Collector. C'est à réécouter hein, sur l'application ici par France Bleu et France 3. Vous allez pouvoir jouer dimanche à la salle des fêtes de Belfort. Un loto est organisé avec de nombreux lots à gagner. Des bons d'achat, dont un d'une valeur de 1000 euros, hein, quand même, s'il vous plaît. Juste avant les vacances scolaires, ça peut être fort pratique. Rendez-vous dimanche donc à 14h, ouverture des portes à 13h, buvette et petite restauration sur place. C'est le loto de Belfort à la salle des fêtes. Et puis je vous laisse le numéro de téléphone pour réserver au standard de France Bleu Belfort Montbéliard, 03 84 22 82 82. Et voici Mylène Farmer en souvenir optimistique moi. Belle soirée avec le 16-19. Thank you. Mystique, moi, Mylène Farmer, sur France Bleu Belfort Montbéliard. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Belfort Montbéliard, ici, on parle d'ici. Et on fait la route ensemble sur France Bleu Belfort Montbéliard. Dans le sens Belfort Montbéliard, sur la 36, il y a du monde aux alentours de Brognard. Hein. C'est la sortie 10 Grand Charmont, donc soyez prudents. Et puis c'est chargé aussi dans le même secteur, hein, sur la bretelle de Brognard à Étupes, sur la D61. C'est la bretelle pour rejoindre justement la 36. À Étupes, c'est chargé aussi rue Armand-Jappy, ainsi qu'à Sochaux, rue de Pontarlier. Toujours du monde à Audincourt, sur la de la Révolution 1789, et puis rue des Graviers à Valentigné. Allez, on va remonter au nord sur le territoire de Belfort. C'est toujours chargé route de Montbéliard à Botan, ainsi que rue de la Charmeuse à Bavilliers, et puis sur le secteur de l'avenue de la Laurencie à Belfort, et puis faubourg des Ancêtres également. Voilà, donc excepté ce secteur de la 36 à Brognard, ça circule bien ce soir. Restez prudents parce qu'on a des averses effectivement, avec des températures aux alentours de 15 degrés en ce moment, 12 degrés sur le relief. Et demain matin, on va retrouver beaucoup de nuages avec des averses. Dans l'après-midi, les averses vont prendre un caractère orageux. Et les températures, elles seront quand même plus douces, hein, avec l'arrivée de cette pluie. Demain matin, on aura entre 9 et 11 degrés. Et en plaine, 17 degrés à Bethonvilliers, Sévenans, Sochaux, Issan et Courmont. Et 13 degrés prévus sur le relief. Aujourd'hui, mercredi, et à quelques jours des vacances, on parle livre jeunesse, Marie-Ange Pinelli. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, de la Marmite à mots à Belfort, ce sont des livres jeunesse que vous nous proposez. Et aujourd'hui, vous nous faites découvrir Hazel, la petite sorcière, une année dans la forêt. Effectivement, dans cet album, parce que là, il s'agit bien d'un album, enfin, un album avec... Alors, est-ce qu'on peut appeler ça des chapitres ? Non, on va dire qu'on a quatre parties dans cet ouvrage qui correspondent aux quatre saisons de l'année. Dans cet album, on va suivre un petit personnage qui s'appelle Hazel. C'est une petite sorcière qui vit au milieu de la forêt, et du coup on va la suivre à travers ces quatre saisons dans des rencontres différentes, que ce soit des animaux, que ce soit des petits personnages de la forêt. Au niveau du texte, une traduction assez extraordinaire, c'est doux, foisonnant d'explications, de décors et de vocabulaire. Et alors, comment vous réussir à vous parler des illustrations qui, à mes yeux, sont extraordinaires, mais comment vous les rendre aussi extraordinaires à l'oral? On est sur quelqu'un qui a travaillé sur, on pense, de la linogravure, donc c'est-à-dire que toutes les illustrations ont été faites en amont sur ou des planches de bois ou des planches spécifiques qu'on s'est amusé, enfin que l'auteur illustrateur s'est amusé à colorer pour nous retransmettre ensuite sur une feuille. Mais alors c'est d'un tel détail, si j'ouvre juste une page au hasard, on a une famille taupe en train de dîner avec Hazel, avec une petite famille de mulots, avec un petit personnage qu'on peut associer à un farfadet. Et je pense que ça peut aussi très bien être lu par des enfants tout seuls à 6-7 ans, parce que juste, c'est trop beau. Alors, raison de plus pour choisir ce livre pour les enfants, Hazel, la petite sorcière, une année dans la forêt, de Phoebe Wahl, paru aux éditions des éléphants instant, c'était le coup de cœur de Caroline de la Marmite à Meaux à Belfort. Et Marie-Ange Pinelli vous laisse chaque jour les références de tous les livres sur francebleu.fr Belfort-Montbéliard et l'application ici par France Bleu et France 3. On va jouer ensemble dans un instant sur France Bleu Belfort-Montbéliard à l'occasion des vacances scolaires. On vous invite à Dinozo à Charbonnières, les Sapins dans le Doubs. Et ce sera une spéciale Halloween. Voici Coldplay. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Viva la vida sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Vacances, J-2. Alors, France Bleu, Belfort-Montbéliard vous invite à Dinozo, à Charbonnières, les Sapins, dans le Doubs et dans le secteur des Talents. Et c'est le grand frisson d'Halloween qui va nous envahir pendant ces vacances à Dinozo. Le plus célèbre des parcs de loisirs dédiés aux dinosaures vous accueille sur ce thème jusqu'au 5 novembre avec des citrouilles, des vampires, des fantômes, une superbe décoration. Et vous pourrez aussi participer, par exemple, à l'atelier Le le grimoire de la potion magique en famille. Et en plus, vous allez repartir avec une petite fiole de cette potion magique. Et puis une nouveauté à Dinozo, le comptoir des pirates. Ce sont des jeux d'adresse et un stand de tir ludique dans une ambiance pirate, bien sûr. Il y aura également un cerveau au labo. Ce sont des spectacles de magie tous les jours, je dis bien tous les jours, pendant les vacances à Dinozo. Vous allez adorer ça. Et puis Happy Family, c'est un film d'animation familiale sur le thème d'Halloween, diffusé uniquement pendant les vacances de la Toussaint. Et puis il y a des feux de camp avec des guimauves grillées. Les enfants pourront repartir en plus avec de délicieux bonbons enchantés. Ça donne envie franchement d'aller à Dinozo pendant les vacances de la Toussaint. Question tout de suite au 03 84 22 82 82. Vous me dites comment s'appelle ce petit reptile qui se faufile dans les rocailles et qui peut faire penser à un animal préhistorique. Est-ce que c'est le lézard ou le cafard ? Le lézard ou le cafard ? 03 84 22 82 82. J'espère qu'on vous donne pas le cafard. Hein. Nous, on fait tout pour vous mettre de bonne humeur. Deux invitations pour Dinozo à gagner maintenant. 03 84 22 82 82. Bonne chance. Stay on these roads. C'est le groupe AA. Oh là là, mais quel collector, dites donc. On est bien. Soyez prudents sur les routes du Nord-Franche-Comté, hein, pas mal d'averses ce soir et ça va s'amplifier. Talks to me, stillborn by exceptionnelle, hein, celle de Morten Harkett, le groupe ABBA, n'importe quoi, le groupe AA sur France Bleu Belfort Montbéliard, groupe norvégien en souvenir, On This Road. Sur France Bleu Belfort Montbéliard, bravo à Elodie de Bessoncourt, hein, qui a donné la bonne réponse. Pour le petit reptile qui se faufile dans les rocailles et qui peut faire penser à un animal préhistorique, c'est bien le lézard. Bien sûr, Elodie va pouvoir s'éclater en famille à Dinozo pendant les vacances, ambiance Halloween, hein, je vous le rappelle, avec un superbe décor. Il y a le comptoir des pirates, également un cerveau labo des spectacles de magie, l'atelier, le grimoire de la potion magique. Et quelque chose me dit qu'il y aura d'autres invitations pour Dinozo prochainement sur France Bleu Belfort Montbéliard. Dans quelques instants, on va retrouver Émilie Mazoyer pour Décibel, la chronique. Dimanche 26 novembre, la Maison du Peuple de Belfort accueille Michel Yellen, un passionné de rock et de guitare qui nous emmène dans un voyage initiatique à la découverte de sons de légende. Un voyage dans le temps et dans le son des guitares de Chuck Berry, Jimi Hendrix, Neil Young, Mark Knopfler, Angus Young, Eric Clapton ou encore Eddie Van Halen. L'histoire du rock en 13 guitares, dimanche 26 novembre, à la Maison du Peuple de Belfort. Le 16-19 sur France Bleu Belfort Montbéliard, Alexandra Mène. Belle soirée avec le 16-19 France Bleu Belfort Montbéliard. Prudence, hein, sur les routes, la pluie est revenue. Ce sont des averses qui vont s'intensifier, nous dit-on, à Météo France. Donc vous êtes prudents, patients et tout se passera bien. À l'écoute de France Bleu avec l'extrait de l'album Panorama de Christophe Willem. Je tourne en rond. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon Christophe Willem sur France Bleu Belfort Montbéliard. Lerita Mitsuko, le Soldat Rose, John Williams et Calogero, ils sont dans Décibel, la chronique ce soir. Salut Émilie Mazoyer. Salut tout le monde.

À ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La nostalgie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Belfort-Montbéliard. Bonne soirée, il est 18h. Bonsoir Corentin Bémol. Bonsoir Alexandra. Et les infos, avant les infos, la météo, le soleil est définitivement parti. Oui, effectivement, hein, beaucoup de nuages et puis des averses ce soir. Soyez prudents sur les routes parce que ces averses devraient s'intensifier. Les prévisions de Météo France juste après le journal. Une patiente de l'hôpital Nord-Franche-Comté retrouvée dans une mare de sang. Cette scène horrible s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 octobre. La patiente, âgée de 99 ans, est décédée quelques jours plus tard. Une histoire troublante et une enquête ouverte, Christophe Beck. Une affaire délicate car aucun témoin de la scène et peu d'éléments pour comprendre ce qui s'est passé. C'est le personnel soignant qui a découvert les faits ce lundi 9 octobre. Deux voisines de chambre avec du sang. L'une d'elles, une dame de 99 ans, gisait dans une mare de sang, selon sa fille qui s'est confiée à l'Est républicain. Sa fille accuse la voisine de chambre qui présentait des signes de démence. Fortement désorientées, les deux femmes ont été incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Le personnel soignant n'a rien entendu et dans la chambre, aucun objet pouvant occasionner des blessures n'a été retrouvé, indique le parquet de Belfort. La famille de la non-ingénaire a porté plainte contre X pour violence sur personnes vulnérables. Le parquet de Belfort a ordonné une autopsie car la vieille dame est décédée une semaine plus tard. Un signalement a été adressé à l'Agence régionale de santé. L'hôpital Nord-Franche-Comté s'abstient de tout commentaire le temps de l'enquête confiée à la gendarmerie du territoire de Belfort. Et on reparlera de cette histoire demain matin avec notre invité François Mérotteau, représentant des usagers de l'hôpital de Trévenans. On lui posera la question, et d'ailleurs on vous pose la question, faut-il plus de moyens pour assurer la sécurité des patients au sein de l'hôpital public? Dites-le franchement demain matin sur France Bleu, Belfort-Montbéliard. Un quinquagénaire condamné pour corruption de mineurs et détention d'images pédopornographiques. Cet habitant d'Anjoutenay échangeait depuis plusieurs mois avec une mineure de 14 ans sur Internet des messages à caractère sexuel. Le tribunal judiciaire de Belfort a rendu son jugement aujourd'hui. 2 ans de prison, dont un an ferme. À Belfort, la SPA au bord de la faillite. L'association fait face à une hausse importante de ses dépenses en raison de l'inflation et dans le même temps à une baisse importante des dons. La SPA qui estime qu'elle devra déposer le bilan dans un an et demi si la part des dons et des legs n'augmente pas. Un nouveau bilan, 11 jours après les attaques du Hamas. 24 Français morts et 7 toujours portés disparus, annonce faite tout à l'heure par la Première Ministre Elisabeth Borne. Au Proche-Orient, la situation à Gaza se dégrade de jour en jour. La ville est la cible des représailles israéliennes. Témoignage ce soir de Nabila Kilani, 40 ans. Elle a dû quitter sa maison menacée par des bombardements. Les bombardements, ils sont partout. On n'est pas averti. Alors, on prend nos mesures de sécurité selon ce qu'on peut, selon ce qu'on ressent. Là, on parle de bombardement et depuis plus d'une semaine, on manque les bases d'une vie quotidienne normale. On n'a pas de l'eau potable, et c'est à peine qu'on en trouve. On a le reste de notre réserve au niveau d'alimentation. On a peut-être 3-4 jours au maximum. Et en plus, depuis 5 jours, on n'a même pas vu 1 heure de l'électricité. Il n'y a pas beaucoup de produits alimentaires qui entrent. Là, on est vraiment devant une crise et catastrophe humaine à cause de cette attaque israélienne. Et en France, le château de Versailles et 9 aéroports régionaux évacués aujourd'hui. Des évacuations qui interviennent alors que de nombreuses fausses alertes à la bombe et de fausses menaces d'attentats ont lieu ces derniers jours. Le château de Versailles qui a rouvert ses portes en milieu d'après-midi. C'est le retour du 49-3 au Parlement. La Première Ministre Elisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement sur la partie recette du projet de loi budget pour 2024. Notre pays a besoin de ce budget, a justifié la Première Ministre. La France Insoumise et le Rassemblement National annonce chacun déposer une motion de censure. En football, qui jouera contre le FC Sochaux-Montbéliard? Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France a lieu en ce moment. On saura dans quelques minutes si Sochaux affrontera ou non des compatriotes nord-franc-comtois. On vous mettra le résultat du tirage sur francebleu.fr. La rencontre de ce 6e tour aura lieu dans 10 jours. La météo 100% locale avec Badoz. Savourez les cancoyottes de la fromagerie Badoz sans conservateur et dans leur pot en carton recyclable. La météo, un temps morose ce soir. Oui, effectivement, hein, c'est couvert dans le ciel du Nord-Franche-Comté. Et puis on a de la pluie, bien sûr, des averses qui vont s'intensifier. Et les températures, on a en ce moment 15 degrés, 12 degrés sur le relief. Le temps sera à nouveau très nuageux demain avec des averses en matinée. Dans l'après-midi, ces averses vont prendre un caractère orageux. Les températures seront plus douces avec l'arrivée de cette pluie. Demain matin, il fera entre 9 et 11 degrés, hein, ça remonte tout doucement. Dans l'après-midi, ce sera à peu près la même chose avec 17 degrés à Gromagny, Belfort, Montbéliard, Èbre et Verlan, et il fera 13 degrés demain sur le relief. Corentin Bémol, merci à vous. Passez une bonne soirée. Très bonne soirée. L'infotrafic 100% local avec Moss, fabricant et installateur de portes de garage sur mesure. Showroom Moss à Bergholzell, près de Guebwiller et sur moss.fr. On fait la route ensemble sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Je vous signalais un peu de trafic sur la 36, hein, tout à l'heure à hauteur de Brognard, à hauteur de la sortie 10 dans le sens Belfort, Montbéliard. C'est terminé, hein, ça y est, tout est rentré dans l'ordre, la circulation est fluide. Et sinon, sur les autres secteurs, le territoire de Belfort par exemple, il y a du monde en ce moment de Doran à Botan sur la N19, mais c'est plutôt habituel à cette heure-ci. C'est chargé aussi sur la rue du 21 novembre à Danjoutin et sur la rue de la Charmeuse à Bavilliers. On fait la route ensemble. Si vous avez des infos, vous appelez Vanessa 03 84 22 82 82. Votre agenda, je vais vous donner des idées de sortie dans un instant sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Et puis nous allons jouer ensemble aux alentours de 18h20. Il y aura à gagner le sac à dos France Bleu, Belfort, Montbéliard, mais également des places pour la rencontre au stade Bonal, FCSM Orléans. Ce sera la semaine prochaine. Passez une excellente soirée avec le 16-19. Le 16-19 sur France Bleu Belfort Montbéliard, Alexandra Men. Le nouvel album des Rolling Stones sort officiellement ce vendredi. Mais tout de suite, on écoute un souvenir avec Start Me Up. Yeah. Up, les Rolling Stones sur France Bleu Belfort Montbéliard. On a vraiment hâte d'écouter ce nouvel album qui sort vendredi. Il s'appellera Acne Diamonds. Enfin, il s'appelle déjà parce qu'il est prêt. Et en tout cas, il y a de sacrées participations sur cet album. Les Stones n'ont pas travaillé tout seuls. Il y aura Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder et puis aussi le bassiste original des Stones, Bill Wyman, sorti de Acne Diamonds, les Rolling Stones nouvel album ce vendredi. Des idées de sortie à 18h10 sur France Bleu Belfort Montbéliard dans le 16-19. On va aller marcher pour le Téléthon, on y pense déjà. C'est une marche gourmande de 13 km à Chagey en Haute-Saône et c'est ce samedi, départ de la salle des fêtes à 10h. Vous allez pouvoir venir avec vos toutous puisque les chiens en laisse sont acceptés. C'est 25€ pour les adultes, 10€ pour les enfants et je vous rappelle que c'est au profit du Téléthon. Et puis la semaine prochaine, jeudi 26 octobre, on va profiter des vacances scolaires pour continuer la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Direction Del dans le territoire de Belfort pour Del en rose. Rendez-vous à 13h45 sur le parvis de la mairie. Il y aura une marche rose de 4 km, départ à 14h pour la modique participation de 2,50€. Et puis il y aura deux ateliers d'autopalpation avec un buste. Et pour ça, il faut vous inscrire auprès du CCAS de Del. Il y a deux créneaux, 14h15 et 15h15. Et ça va se dérouler à la salle du caveau de la mairie de Del. Un cours de yoga géant aussi est prévu sur le parvis de la mairie avec Pascal Briquez. La Ligue contre le cancer sera présente avec la participation du docteur Bouvard. Et sur place, vous pourrez rencontrer différentes associations deloises. Il y aura également une vente de gâteaux et de boissons. Voilà, ça c'est Octobre Rose. Adèle, la semaine prochaine, jeudi 26 octobre. Compte-toi, rends-toi, mais ni ma foi. C'est le grand jeu de France Bleu Belfort Montbéliard, la radio qui vous offre les plus beaux cadeaux. Cette semaine, gagnez votre trottinette électrique qui mélange élégance et fiabilité. Avec une autonomie de 25 km, un grand tableau de bord et des pneus increvables, vous pourrez vous promener dans notre région en toute tranquillité. Pour gagner cette trottinette électrique, jouez tous les jours entre 11h et midi sur France Bleu Belfort Montbéliard. France Bleu Belfort Montbéliard, le 16-19. Extrait du nouvel album de Pascal Obispo, voici un très joli morceau qui s'appelle « Comment s'aimer ?» Belle soirée avec France Bleu Belfort Montbéliard. Tout ça n'a plus grande importance. Depuis les rivières ont coulé, mais chaque fois que j'y repense, j'ai bien aimé comment s'aimer. Marcher était un pas de danse, et je crois qu'on marchait sur l'eau. Il me reste cette évidence, j'ai bien aimé comme on s'aimait. Chaque jour, peut-être un jour de chance. Chaque mois, peut-être un mois de mai. Mais comment savoir à l'avance? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir? J'ai eu des joies immenses et des peines à peine voilées, mais sans chercher l'équivalence. J'ai bien aimé comment s'aimer. De quoi est faite l'existence? Que reste-t-il à l'arrivée? S'il faut sauver quelques séquences, je garde celle où l'on s'aimait. Un printemps sans cesse renouvelé, mais au-delà de l'attirance, comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? Comment savoir comment s'aimer? peut-être un jour de chance. Chaque mois peut être un mois de mai. Encore faut-il saisir l'urgence de savoir comment s'aimer. Savoir comment s'aimer. Comment savoir comment s'aimer. Sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, c'est Pascal Obispo. Comment s'aimer, sa toute nouvelle chanson, extrait du dernier album. Et puis Pascal Obispo va entamer sa tournée des 30 ans de succès. La bonne nouvelle, c'est que ça va passer par l'Axo, à Montbéliard, et ce sera le 2 février 2024. On joue ensemble sur France Bleu, Belfort-Montbéliard, à gagner maintenant au 03 84 22 82 82 le sac à dos France Bleu, Belfort-Montbéliard. Il est magnifique, gris anthracite, ça va avec tout, et puis avec le logo France Bleu, c'est juste très très beau. En plus, ce sac à dos a une particularité, il a une fente Bluetooth qui vous permet d'insérer un câble qui ira par exemple vers votre batterie externe pour recharger le téléphone, ou alors votre disque dur qui peut être relié au téléphone pour écouter de la musique. Si vous êtes à vélo, par exemple, ou à pied, c'est le petit truc en plus. Alors, question pour gagner le sac à dos France Bleu Belfort-Montbéliard. Comment s'appelle la lanière d'un sac qui sert à le porter? À le porter sur l'épaule, par exemple. Ou alors en travers, comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas employer le mot, sinon je vous donnerai la réponse. Est-ce que c'est une bandoulière ou une crémaillère? Une bandoulière ou une crémaillère? Vous appelez Vanessa maintenant au 03 84 22 82 82. Bonne chance. Voici Christine and the Queens, Saint-Claude. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillée comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solitude immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils, fils, lié à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station. Is my station. pour que l'orage s'annonce. We are so lonely in this world of sound. Pour que l'orage s'annonce. We are so lonely. Pour que l'orage s'annonce. We are so lonely. Pour que l'orage s'annonce. C'est Chris sur France Bleu Belfort Montbéliard avec Saint-Claude. On joue ensemble sur France Bleu Belfort Montbéliard et vous allez voir, on va jouer doublement. Déjà, on a eu une bonne réponse. Bravo à Jean-Jacques de Montbéliard qui repart avec le sac à dos France Bleu. Grâce à cette bonne réponse, la lanière d'un sac qui sert à le porter, c'est bien sûr la bandoulière. Et alors attention, maintenant, pour le premier appel au 03 84 22 82 82, il y a deux places pour aller soutenir Sochaux au Stade Bonal ce vendredi soir. Sochaux qui reçoit Villefranche-sur-Saône. Villefranche-Beaujolais, c'est pour le premier appel. Attention, soyez rapide, je crois que vous êtes déjà très rapide. Vanessa vous attend, 03 84 22 82 82. Et quelques fleurs en prime avec Miley Cyrus. Belle soirée. We were good, we were gold.